Chapitre 79. Le dirigeant juste. Allah Ta'ala dit: certes, Allah commande l'équité, la bienfaisance. Sourate 16, verset 90. Et soyez équitables, car Allah aime les équitables. Sourate 49, verset 9. 659. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: il y a sept sortes de personnes qu'Allah protégera de son ombre le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Le dirigeant juste, le jeune homme qui a grandi dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal, l'homme dont le cœur est attaché aux mosquées, deux hommes qui, s'aimant en Allah, se sont réunis en lui et se sont séparés en lui. L'homme qui, sollicité par une belle femme de haut rang, lui répond: je crains Allah. L'homme qui fait l'aumône si discrètement que sa main gauche ne sait pas ce que donne sa main droite. Et enfin l'homme qui, loin des regards, se rappelle Allah dans le zikr, puis fond en larmes. Al-Bukhari et Muslim. 660. Selon Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhuma, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: les justes seront auprès d'Allah sur des chairs de lumière. Il s'agit de ceux qui sont équitables dans leur jugement envers leur famille et ceux sous leur autorité. Muslim. 661. Auf ibn Malik radiyallahu anhu rapporte qu'il a entendu le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dire: les meilleurs de vos gouverneurs sont ceux que vous aimez et qui vous aiment, en faveur desquels vous invoquez Allah et qu'il invoque en votre faveur. Et les pires sont ceux que vous détestez et qui vous détestent, que vous maudissez et qui vous maudissent. Les compagnons demandèrent: ô messager d'Allah, devons-nous nous soulever contre eux? Il répondit: non, tant qu'ils accomplissent la salat parmi vous, le répétant à deux reprises. Muslim. 662. Iyad ibn Himar, radiallahu anhu, rapporte avoir entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire: les gens du paradis sont de trois catégories. Un gouverneur juste et bien guidé par Allah. Un homme clément et doux envers tout parent et tout musulman. Et un homme qui, bien qu'il ait une grande famille à sa charge, s'abstient de tendre la main. Muslim. 662.